Une soirée, il ne s'est rien passé chez Clotilde Courreau. Je suis rentré à pied. Une soirée, face à moi des quadras aiguisés de talons sur de la moleskine. Une soirée, deux siamois bicolores semblant disserter sur l'air des chats gris. Une soirée, sur un beat syncopé, des bras d'êtres drogués font monter la purée. Une soirée, des latrines affichées de une de journaux sur la mort de Cousteau. Le cri du hibou dans la nuit qu'il fait. La voix de Clotilde Courreau, je me réveille. Ma montade rose, téton sous son pull, je souris, tu es belle. La main de Clotilde sur la joue, je mets les bouts. Une soirée. Je ne sais rien passer chez Clotilde Courreau. Je suis rentré à pied. Une soirée, un sosie de Bacon fixe de ses yeux durs une mytho sur le mur. Une soirée, et dans un cadre parfait d'assistants en bonne humeur, des femmes blondes pleurent. Une soirée, des corps gras de produits crème joue sur des draps de bakélite bleu. Une soirée, la fonction d'arrêt d'un micro-ondes Philips provoque un symposium. Le cri du hibou dans la nuit qui fait. La voix de Clotilde Courreau, je me réveille. Ma montade rose, téton sous son pull, je souris, tu es belle. La main de Clotilde sur la joue, je mets les bouts. Une soirée. Je ne sais rien passé chez Clotilde Courreau. Je suis rentré à pied. Une soirée, un patchwork coloré de vêtements d'hiver s'en vont braver le froid. Une soirée, une porte d'entrée mauve à double battant aère les grisés. Une soirée, des appels à qui d'âme enchante le boulevard, des restes de partie. Une soirée, il ne s'est rien passé chez Clotilde Courreau, je suis rentré à pied. Le cri du hibou dans la nuit qui fait. La voix de Clotilde Courreau, je me réveille. Ma montade rose, téton sous son pull, je souris, tu es belle. La main de Clotilde sur la joue, je mets les bouts. Une soirée. Thank you. soirée. Une soirée. Une soirée. Oh, une soirée. Je me suis bien fait chier. Une soirée. Chez Clotilde.